Aujourd'hui, c'est interview. Faut que je trouve une inspi, attends. Bonjour Noémie. Bonjour monsieur. Quel est ton endroit favori à Saint-Nazaire? Mon endroit favori pour le moment, c'est le centre-ville, chez mon ami, puisque je me sens bien là-bas. Voilà. Ok, alors bonjour Adé, quel est ton endroit préféré où manger à Saint-Nazaire? Ça serait à Trégnac, au restaurant chinois, parce que le prix n'est pas excessif et on peut manger à volonté. Et on a un verre d'alcool à la fin du repas, c'est offert. Ah oui, c'est important ça. Ok, très bien, merci beaucoup. C'est quoi ton plat préféré là-bas que tu prends quand t'arrives? C'est quoi le truc que tu vas toujours prendre quoi? Je sais pas, je dirais des nouilles. Des huîtres. Des huîtres. Ouais. C'est trop bien. Ok, merci. En général, au ruban bleu, ça craint un peu la nuit. Et du coup, quand t'es au dragon, ça craint pas parce que personne te voit. Mais toi, tu vois tous les gens bizarres se promener en dessous le dragon. Et du coup, tu peux assister à tout ce qui se passe, et juste on ne voit pas, tout simplement, voilà. Ça, c'est, toi, ce que t'aimes, c'est le fait de... Qu'on me voit pas, qu'on me voit pas. Genre, t'es là, t'es en soirée, tu vois ta petite bière, personne te voit, et t'es sécure, mais t'es en plein centre, et genre, c'est chill. Voilà. Et personne te voit jamais? Non, en fait, si tu fais pas de bruit, on ne voit pas, hein. Donc t'es en haut du dragon? Ouais, quand tu montes, il y a le toboggan. Et en gros, en haut, t'as t'as un truc et après, ça monte. Et ici, personne te voit. Et t'as des petits trous. Tu peux voir, derrière. Enfin, ouais, tu peux voir facilement, quoi. Du coup, t'es tout seul? Non, parfois avec Fox ou avec d'autres gens. Ce que je trouve de bien à Saint-Nazaire ou comment je trouve la ville? La ville. Comment je trouve la ville? Alors, c'est une ville accueillante, il y a des bons endroits. Mais je pense que ça dépend ce qu'on souhaite faire et ce qu'on aime faire. Il y a des endroits qui vont plaire à d'autres et d'autres un peu moins. Mais c'est dommage parce que le soir, on n'a pas assez de lieux pour se retrouver, pour sortir. Et c'est pas très sécurisant. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est pas très sécurisant? Parce qu'on a peur de la police. Il y a trop de police. Non, je sais pas, il y a beaucoup de comportements dégradants de la part de beaucoup de personnes. Et c'est compliqué de se sentir en sécurité. Ouais. Ok. Et du coup, cette ville-là, Saint-Nazaire, oui. Elle t'évoque quoi? Elle m'évoque mon enfance. Toutes mes bêtises, elles sont ici. Hein. Ils sont ancrés dans les murs de Saint-Nazaire. Non, mais en vrai, c'est, je sais pas, il y a beaucoup de choses. T'aimes bien être ici? J'aime bien. C'est ma ville de naissance. Donc, bien sûr, elle restera toujours dans mon cœur. Mais si je peux bouger, je bouge. Hein. Je te mens pas. Hein. Dans les îles. Ouais. Où il fait chaud. Oui. Non, oui. Après, là, pour l'instant, chaque chose en son temps, mais... Le projet final, ce serait pas rester ici. Regarde, t'as le temps qu'il fait. On n'est pas gâtés. Hein. Non, il fait pas hyper beau ici. Mais c'est ma ville de cœur quand même. Le dragon de Saint-Nazaire. Les jeux? Non, il y a le tabac, le balto là-bas. C'était quoi le balto? Le balto? Le tabac qui est ouvert le plus tard en ville. C'est où le premier endroit où tu peux acheter à manger à Saint-Nazaire? Le premier endroit, c'est la gare. Le René de la gare. J'aurais dit, je pense. Le dernier, c'est l'escale. Le dernier kebab, c'est l'escale. À côté du tribunal. Ouais. Et un endroit qui n'est pas chez quelqu'un, où on peut se sentir bien ou en sécurité après 10h du soir? Je sais pas. Il y a des gens, ils ont plus de facilité à sortir le soir sans crainte. Et il y en a d'autres, c'est différent, quoi. Et moi, personnellement, je sors. Je dis pas que j'ai peur, mais je suis pas sereine, on sait jamais. T'aimes pas être dehors après 10h du soir? Si, mais... Mais je suis pas 100% confiante où je marche. Tu marches beaucoup? Ouais. Bah, tu marches partout? Ouais, partout, Saint-Nazaire, je l'ai fait en long, en large, en travers, en tout ce que je veux, diagonale. Tu choisis comment, où tu vas? Ah, ça c'est BMW pied, tu vois. Il y va, il y va, il y va. C'est lui qui choisit, c'est tout ça. Mais pourquoi tu marches? Pour évacuer plein de choses. Je marche, je mets ma musique, mes écouteurs. Là, je suis bien. Parce que des fois, je pense mal et tout. Je sors, personne ne me casse la tête. Je marche tout seul. Je marche, je marche. J'évacue tout, c'est bien. Ouais, là, j'ai pas de téléphone. Donc, je m'imagine la musique dans ma tête en train de marcher. Ouais. Et tu regardes autour de toi? Ouais, quand tu marches, tu regardes plutôt. Non, je regarde. Non, je regarde. Tu regardes quoi? Ce qu'il y a autour de moi. L'intéressant. Je regarde pas, j'essaie d'éviter de regarder les gens. Je regarde ce qu'il y a autour. Genre, j'essaie de capter l'atmosphère avant de capter les gens quand je marche. Et si je vois que le paysage il me plaît, je me sens bien, je vais m'arrêter. C'est ce que je fais, je vais m'arrêter, je vais me poser juste. Juste regarder et tout. Passer le temps, quoi. Et tu marches quand il pleut aussi? Ouais. Bon, un peu moins quand même. Ouais. Bah oui. Mais ouais, je marche quand il pleut. Tu préfères quand il y a des gens ou quand il y a personne? Ça dépend où t'es. Ouais. Ça dépend où je suis. Ça dépend à quelle heure il est. Tu peux expliquer un peu? Bah, parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Et donc, on sait jamais, quoi. Vaut mieux se méfier quand même. Après, je me sens en confiance quand je suis seule, parce que j'ai confiance en moi. Je sais qui je suis, mais on est obligé de t'entourer des gens dans la vie. T'es une bonne compagnie pour toi-même, quoi. Ouais, mais ça suffit pas au bout d'un moment. Bah oui. Je marche avec des gens de temps en temps, mais la plupart du temps, quand je suis dans ma cogite, là, c'est moi et mes écouteurs. Après, c'est ma petite bulle, quoi. Ok. Ben merci. Ben merci à vous. Ouais.